Trois semaines plus tard, le cortège du mariage sort de la mairie de Marseille sur le Vieux-Port. Fanny, sous son voile de mariée, est très pâle. Elle s'appuie sur le bras puissant de Maître Panis, qui est rouge de joie et de fierté. Honorine, en grande toilette, est au bras d'Elzéar Panis, le vieux frère d'Honoré, qui est venu de Cassis tout exprès pour cette importante cérémonie. Derrière eux, César, pensif, accompagne la tante Claudine. Elle est toute rose, sous un chapeau blanc chargé de cerises. Il y a des messieurs importants, les prud'hommes. Plusieurs sont en habit et chapeau de soie. Puis viennent ces dames de la poissonnerie, qui portent d'antiques robes brodées d'or et des bijoux d'une surprenante richesse. Tout ce cortège défile entre deux haies de petits peuples, qui admirent, non sans bruit d'ailleurs, et va s'embarquer sur le ferry boat d'Escartefigue pour aller à l'église des Accoules où seront échangés les anneaux.